Bonsoir à tous et toutes et bienvenue à la Cale, rue Royer, amicale laïque du Cred Rock, sur le quartier du même nom bien entendu. Bienvenue sur le 895 de Dio, déjà on vous précise que vous êtes sur Radio Dio à Saint-Étienne. Alors c'est une chose assez exceptionnelle que de réaliser des émissions en public. Je crois que pour le Grémos, c'est la première émission qui se déroule dans ces conditions. On a pour habitude de réaliser parfois des rencontres, des conférences, notamment les rencontres d'histoire ouvrière qu'organise régulièrement le Grémos. Mais je crois que c'est vraiment la première émission qui se déroule en public. Merci en tout cas d'être aussi nombreux et nombreuses. On rappelle que le Grémos, c'est une association, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, qui a pour activité, entre autres, celle radiophonique, et notamment d'animer une émission de radio mensuelle. C'est le troisième jeudi de chaque mois. Alors nous sommes mercredi 16 novembre. Après cette émission qui est enregistrée ici en public, l'occasion de la retrouver, ce sera donc en léger différé, mais à partir de midi, ce sera à midi et rediffusé à 19h et le lendemain, vendredi donc, à 8h. Cette émission est consacrée aux travailleurs algériens en région stéphanoise. 1944-1962 a été la période qui a été définie. Vous allez retrouver là l'ensemble des intervenants et intervenantes. On rappelle juste que cette émission et cet événement se déroulent dans le cadre d'un autre événement qui se tient actuellement, qui va se prolonger jusqu'au 13 décembre prochain, qui est la Biennale Trace, qui porte sur l'histoire, la mémoire et l'actualité des migrations, avec des centaines d'événements, je crois qu'on peut le dire ainsi, qui se déroulent partout en région Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement sur le département de la Loire, avec bon nombre de rendez-vous d'ailleurs qui se déroulent là en cette mi-novembre. Cet événement-là radiophonique est organisé donc par le Grémos en partenariat avec l'amicale laïque du Cred Rock que l'on remercie et qui nous accueille comme habitude chaleureusement, les archives municipales et métropolitaines de Saint-Étienne et donc Radio Dio qui également propose cette émission mensuelle. Voilà, merci à vous. On va donc consacrer un premier temps pour vous faire part un petit peu de l'organisation et du déroulé de ce rendez-vous. Un premier temps qui va être très radiophonique, c'est-à-dire qu'un temps d'interventions diverses sur la question énoncée. Et puis il y aura un deuxième temps au terme d'une heure environ, car c'est les horaires impartis en radio, qui laissera place davantage à la discussion et aux échanges, si vous le souhaitez, avec un micro qui pourra circuler en salle. Je laisse la parole de suite à celui qui fut président et qui me le rappelle souvent, est également fondateur du Grémos. J'ai bien fait les choses. Bonsoir Jean-Michel Stenner. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Donc c'est un ex-président qui vous parle et qui vous reçoit et qui suis très content de voir que le public est nombreux ici ce soir dans ce quartier du Cred Rock, un quartier populaire, prolétarien, même s'il en est parmi les nombreux quartiers du même genre à Saint-Étienne. Alors, l'émission aujourd'hui consacrée à la question des travailleurs algériens dans la région stéphanoise, dans la période de 44-62, c'est-à-dire la période qui précède l'indépendance, qui est marquée par d'abord la libération de l'occupation allemande avec les tragédies qu'elle a pu représenter en Algérie, notamment dans le Constantinois, et puis avec, dans une deuxième partie, avec la guerre d'Algérie proprement dite, qui a eu des répercussions importantes dans notre région, tout simplement parce que la population algérienne était d'un nombre assez conséquent. Alors, c'est pas une nouveauté, l'immigration algérienne. Je pense que Léla ou d'autres nous en parleront, puisque elle est déjà significative pendant la Première Guerre mondiale. Notamment, il y a pas mal de Kabyles qui sont présents dans les industries sidérurgiques de la région de Londen. Mais effectivement, au lendemain de la guerre et dans les années qui vont suivre, on a une nette augmentation de cette population. Alors officiellement, je donne quelques chiffres, mais je ne vais pas vous assommer. Officiellement, on recense en avril 1945, le chiffre est très bas, c'est un peu normal, puisque la guerre n'est pas terminée, 689 Algériens dans la Loire, et le chiffre va monter jusqu'à jusqu'à plus de 10 000 à la veille de l'indépendance. Mais on est déjà à 6 000 militants algériens, pardon, travailleurs algériens en 1954. Alors, pour parler de cette question, eh bien, on a donc invité d'abord Leila Ben Sharif, spécialiste, s'il en est, de cette question dans la région stéphanoise, en temps auquel elle a consacré sa thèse de géographie. On a invité aussi le directeur des archives municipales qui ont consacré une exposition à ce sujet que vous pouvez voir aux archives municipales, donc 164 Cour Fauriel, c'est bien ça, c'est ça. Donc juste à côté de l'école des mines. Et puis Antoine Vernet, donc qui est aussi membre du Grémos et qui a préparé un certain nombre d'aspects de cette question dont nous allons parler aujourd'hui, notamment sur le parcours d'Omar Harreg. C'est bien ça. Bien, alors on va peut-être commencer à donner la parole tout de suite sur cette question d'Omar Harreg, nous retracer le parcours de ce militant. Omar Harreg, il se retrouve dans les groupes de choc de l'organisation spéciale qui est le bras armé du FLN. Et juste dire que, parce que j'ai beaucoup parlé de autonomisation, c'est vrai qu'il y a des formes d'autonomisation très tôt, etc. Je reviens pas à 41, les assos, d'entraide nord-africaine, etc. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de lien avec les centrales syndicales. Heureusement, et les partis politiques, et notamment le PC. Quand on lit les textes des dans les rapports des renseignements généraux, pendant toutes les années 50, eh ben, le souci des renseignements généraux et du patronat industriel, c'est la forte syndicalisation des Algériens, très proche de la CGT. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments de rupture, 48. Et 56, surtout, 56, quand le PC va voter les pouvoirs spéciaux à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, il y a à la fois un mouvement nationaliste qui est très, très, très proche. Je parle des leaders, des cadres qui sont en lien étroit avec les centrales syndicales et qui co-organisent, tu l'as très bien dit, des débrayages. Les années 50, il y a des débrayages en permanence dans les usines, à la CAFLE tout précisément, et avec le soutien des organisations syndicales. Et puis des moments, ça frotte. Je reviens sur Imoun Amar. Il a été arrêté, il était dans le fameux fichier Z. Le fichier Z, en 58, le FLN est démantelé à Saint-Étienne, avec toute son organisation pyramidale. Et avec tout le système des collectes de fonds, etc. Imoun est arrêté en avril 58, je crois, et il va faire 2 années de travaux forcés à Barberousse, en Algérie. Il avait épousé, comme il me disait, une bigote de la Haute-Loire, une femme française de la Haute-Loire, et qui en prenait plein la gueule, parce qu'on lui disait, mais t'es avec un bougnoule, et en plus, il est terroriste, et il est en Algérie. C'est le syndicat. C'est la CGT à la CAF qui a subvenu aux besoins de la famille, donc de l'épouse d'Imoun Amar et de ses enfants. Donc je ne t'ai en aucun cas une solidarité, une proximité évidente avec les organisations syndicales, quand bien même il y avait des moments de rupture. Bien. Cette discussion tout à fait passionnante et nous fait comprendre comment les tensions sont devenues extrêmement, extrêmement fortes. À l'intérieur du mouvement indépendantiste, les tensions vont déboucher sur des attentats, sur des meurtres. À l'intérieur, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même rappeler qu'à l'intérieur du mouvement ouvrier aussi, les motivations du Parti communiste sont complexes parce que le Parti communiste, évidemment, va chercher à, aider beaucoup de ces jeunes militants qui, à partir de 1956, vont être mobilisés et envoyé en Algérie. Donc il y a une espèce de lutte qui va être pas tellement pour l'indépendance de l'Algérie, mais plutôt pour la paix en Algérie. D'ailleurs, il y a un débat sur les slogans, et il va se traduire au début des années 60 par des tensions à l'intérieur de l'Union des étudiants communistes, justement. Et du coup, à la gauche du Parti communiste, eh bien, apparaît la Nouvelle Gauche, qui va donner ensuite le PSU. Et il y a, comme tu l'as dit, la CNT, il y a des éléments de force ouvrière qui vont aussi... Il y a tout un ensemble qui s'est créé sur une base qu'on pourrait dire anti-stalinienne, qui critique un peu la politique stalinienne du PC. Alors ça se cristallise notamment au moment de l'affaire de Hongrie en 57. Bon, bref, cette tendance, elle va apporter aussi une forte aide aux militants algériens, notamment sous la forme de ce qu'on appelait les hébergements clandestins et puis sur les porteurs de valises. Mais il y a aussi dans le PC une deuxième dimension qu'il ne faut pas négliger. Tu y as un petit peu fait allusion, Léla, c'est la dimension anti-impérialiste. Et là, du coup, pour la droite, je rappelle que Bidault, qui a été longtemps ministre des Affaires étrangères et député de la Loire, que Antoine Pinay, dans 57, quand tu parles de cette affaire de la mise en cause de la France à l'ONU, il est ministre des Affaires étrangères, donc le maire de Saint-Chamond. Eh bien, pour la droite, la lutte pour l'indépendance de l'Algérie que mènent certains partis de gauche, c'est une lutte qui est téléguidée par Moscou. On est dans le cadre de la guerre froide. Il ne faut pas oublier non plus ce climat-là. Alors, on va revenir quand même maintenant sur ce qui va se passer à l'intérieur du parcours d'Omar Regg. Je te redonne la parole, Antoine. Donc, je rebondis à ce que tu disais un petit peu juste avant. C'est effectivement toute cette aide que de nombreux Français métropolitains vont apporter. Donc, effectivement, porteurs de valises, facteurs pour certains. Voilà. Et puis, il faut quand même imaginer, par contre, il y a deux niveaux. Il y a ceux qui acceptent d'héberger les gens, de garder ou de transporter de l'argent. Et puis, il y a la question des armes. Ça, c'est pas la même chose que... Tout le monde n'est pas prêt à ouvrir sa cave, à ouvrir sa cabane de jardin pour planquer des revolvers, des mitraillettes et des explosifs. Par exemple, le prêtre qui avait marié Omar Areg et sa femme Marthe, lui, sa phrase, elle est simple, je la retranscris presque telle quelle, « Tout ce que tu veux, mais pas d'armes ». Donc c'est vraiment l'idée par sentiment chrétien, et que d'autres, effectivement, par anti-impérialisme, etc., les motivations sont très nombreuses, par humanisme, tout simplement aussi pour certains, mais c'est vrai que la frontière de la violence et de la rationalité, elle n'est pas simple pour beaucoup de gens qui vont aider les militants indépendantistes, et elle pose beaucoup de questions encore aujourd'hui. Je vous parle du prêtre Courbon. Il faut imaginer que ça fait partie de tous ceux qui, après la guerre, vont partir en Algérie aussi, parce que la situation n'est pas forcément simple pour eux s'ils restent en France. De toute manière, vous avez un autre prêtre à Firminy qui avait été victime d'une tentative d'enlèvement parce qu'il était un petit peu trop en soutien aux Algériens. Il y a une tentative d'attentat aussi, je crois, mais là de l'OAS plus tard, contre une autre église à Firminy. Vous avez une affaire d'une institutrice de Firminy, toujours, qui était professeure d'anglais au collège moderne et technique, au futur lycée Camus de Firminy, Marie-Antoinette Vors, qui a été arrêtée là aussi pour avoir caché de l'argent, il me semble des armes aussi. Mais voilà, il y a beaucoup d'affaires. Et dans toute l'intensification de l'activité, non seulement de contrôle, mais là aussi carrément de perquisition, d'arrestation de militants, notamment à partir de 57-58, il y a quand même aussi des Français métropolitains qui y sont. Et il faut vraiment comprendre, là j'en reviens à Areg, que voilà, ces années sont des tournants importants, parce que cette radicalisation de l'opposition entre le MNA et le FLN fait que on compte des morts au moins tous les mois, si ce n'est toutes les semaines, dans les rues de la région stéphanoise. Et parce que vraiment l'enjeu devient plus important, d'autant plus que la répression en Algérie même, avec en plus le contingent qui arrive, fait qu'il faut que le front français permette au FLN de desserrer un peu les taux de l'autre côté de la Méditerranée. Et à l'usine de Londen, se pose un problème pour Areg, qui va être arrêté une deuxième fois en 57, en mars 57, il me semble, vraiment au début de l'année. Là encore, pour avoir distribué des tracts à l'entrée de son atelier de fonderie. Et bon, les choses ne sont pas entièrement claires, mais a priori, il ne serait peut-être pas réembauché, il ne serait peut-être pas repris, alors même qu'il est relaxé derrière. Il est relaxé parce qu'on peut pas lui... Là, la justice ne peut pas le condamner. Il n'y a rien pour le condamner, même si les RG se doutent bien qu'il est militant FLN. Voilà, et là, il n'y a plus de possibilité de juste l'interner administrativement à ce moment-là. Et en fait, il y a une rivalité entre Areg et celui qui a été recruté au début de l'année, à la fin de l'année 56, comme contrôleur social de la main-d'œuvre nord-africaine à l'usine de Londen de la CFL, qui s'appelle Léon Rillet. Et Léon Rillet, c'est quelqu'un qui est né dans le Nord, qui a fait des études intéressantes, hein, un bac maths élémentaire, une licence de droit, un diplôme de l'école supérieure de commerce de Lille, mais qui va faire une carrière militaire, et qui va faire une carrière militaire dans les services spéciaux, et notamment au Maroc. Et il va rester militaire pendant 27 ans, et il va donc notamment être avec les différents soldats marocains, il va être avec les goumis, et bon, il va être engagé dans la guerre. C'est quelqu'un qui va être décoré de multiples fois pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre d'Indochine aussi, et qui va finir par prendre sa retraite en 1956 avec des états de service exceptionnels, et qui va être recruté justement par la CFL pour faire ce travail de contrôleur qui était confié à des anciens militaires qui étaient spécialistes justement des affaires indigènes, pour reprendre un peu l'appellation. C'est quelqu'un qui parle arabe, c'est quelqu'un qui parle des différents dialectes en plus, et qui a aussi du charisme, hein, et qui finalement commence un peu à prendre pied. Il est surnommé le colonel. Bon, il est lieutenant-colonel, mais surnommé le colonel. Et les militants indépendantistes essayent de faire en sorte que les ouvriers ne s'adressent pas à lui. Voilà, tu ne parles pas au colonel, tu ne lui adresses pas la parole, tu ne le regardes pas. Mais son rôle, c'est un rôle social. C'est-à-dire, c'est aider, c'est dans les démarches administratives, c'est aider éventuellement aussi pour les conditions d'hébergement, les conditions d'existence. Donc c'est vraiment quelqu'un qui doit se faire apprécier, et c'est en se faisant apprécier aussi qu'il peut faire remonter les informations sur la conflictualité, la présence de militants indépendantistes à l'intérieur. Et donc aussi, il est chargé de traduire les tracts en arabe. Et donc, pour lui, Areg, c'est sa principale épine dans le pied, hein, c'est vraiment celui qui lui pose problème. Alors, savoir comment on passe de ce genre de conflictualité à une décision radicale qui est celle d'assassiner Léon Rillet, j'avoue qu'on n'a pas tous les éléments encore. On ne sait pas exactement comment l'ordre a été donné. Toujours est-il que le soir du 7 novembre 1957, Léon Rillet sort de son bureau. C'est le soir, il fait nuit, c'est 18h30. Donc il sort de l'usine de côté Firmini. Il habite rue de l'Abattoir, donc pas très loin non plus des usines. Et il a simplement à traverser la rue de Cordes, une petite rue que, à part si on est vraiment du coin, personne ne connaît, qui relie l'usine à la rue de l'Abattoir. Et là, deux hommes passent derrière lui et il est tué. Il y a trois balles qui sont tirées. Il est tué de deux balles, dont une en pleine nuque. Donc autant dire qu'aucune chance ne lui a été laissée. Et à partir de ce moment-là, on est en plus vraiment au moment où la police se met à arrêter, à essayer de démanteler le FLN en région stéphanoise. Et très vite, il y a beaucoup d'arrestations qui commencent. Et on arrive à trouver les deux personnes qui étaient sur les lieux du crime, une qui n'était pas partie et l'autre qui s'était enfuie. et qui va être identifié comme le tireur. Et ces deux personnes, a priori, vont en interrogatoire lâcher que l'instigateur de l'assassinat est Omar Areg. Alors c'est un assassinat qui est remarquable aussi parce que c'est le premier non-algérien assassiné par des indépendantistes algériens. Et donc il y a un émoi non seulement de la population française, mais surtout une des répercussions dans la police, dans le renseignement, dans les administrations compétentes, qui font que désormais Omar Areg devient un peu l'ennemi public numéro un dans la région. Il est passé dans la clandestinité. Je veux dire, la surveillance policière autour de la maison familiale, autant dire qu'il n'a jamais remis les pieds au 35 rue Jean Jaurès. Sa femme finira par partir avec les réseaux du FLN aussi, au bout d'un an, partir par la Suisse, puis ensuite direction la Tunisie, puis le Maroc, avec les deux enfants du couple. Et Omar Areg, lui, désormais, c'est un leader incontesté de l'organisation spéciale qui va finir par diriger la région sud de l'OS en 57 et au début de l'année 58. Et ça va être celui qui va mettre au point, en partie, même s'il va être exfiltré vers l'Allemagne avant, les attentats, la vague d'attentats du 25 août 1958, où de nombreux, notamment dépôts de carburant, vont être dynamités, incendiés, et notamment à Marseille, le dépôt de Mourpiane. Et pendant longtemps, en fait, voilà, cet attentat de Mourpiane va être attribué à Areg, qui n'est pourtant plus en France à ce moment-là. Et Omar Areg, l'insaisissable, Omar Mourpiane, même dans l'imaginaire collectif. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment devenu un activiste clandestin, mais qui finalement, voilà, à partir de 58, avant l'été 58, va quitter le territoire français. Et la répression, elle continue avec les frères et sœurs d'Omar, qui vont être surveillés, arrêtés. Bon, sa sœur Zina, elle aussi dans la clandestinité. Comme ils sont fils et filles d'Allemands, des fois on ne repère pas que ce sont des Maghrébins. Ça, c'est bien pratique pour eux, pour vivre clandestinement. Zina fait la factrice, elle va entre la région sud, la région parisienne. Bon, elle aura beaucoup d'autres péripéties, je ne rentre pas dans le détail. Elle sera arrêtée et surtout elle va s'évader de la prison de la Roquette en 61 avec d'autres prisonnières, ce qui est là aussi une histoire rocambolesque. Qui va marquer vraiment la légende des Areg dans l'histoire du mouvement indépendantiste algérien. Les autres frères seront arrêtés, jugés, parfois relaxés, internés administrativement loin de la région stéphanoise, et finalement finiront par quitter aussi pour la plupart le territoire français après leur libération, après la guerre. Et donc, bah, ça, on pourrait en dire beaucoup, mais c'est... Voilà, c'est l'histoire aussi d'un conflit qui a basculé vers autre chose et qui ne se passe plus uniquement par l'action en France, mais après le 13 mai 58, la chronologie est quand même beaucoup plus algérienne, en tout cas en Algérie. Oui, Léla, tu voulais ajouter quelque chose sur Omar ? Non ? Oui, je disais que... dans les missions de l'organisation spéciale, il était clairement écrit l'assassinat d'administrateurs coloniaux. Et Riez, il incarnait, il représentait aussi ses personnalités. Mais je vous renvoie au bouquin d'Aho Djerbal qui explique aussi comment ce que tu disais, c'est juste... La sœur d'Omar Areg, elle était un type européen et elle passait plus facilement. Et que son boulot, c'était effectivement de transporter des armes, des faux papiers. Et elle se balageait, tout ne se passait pas qu'en France, hein, la Suisse, L'Allemagne, très, très, très... L'Allemagne dans la spécialité de la fabrique des faux papiers, les armes, enfin bon, il y a une histoire... pardon, tout à l'heure, je disais, je l'ai lu comme un livre d'aventure, faux, c'était comme un livre policier, voilà. Il y a effectivement une histoire inattendue quand on sait que Omar Haring, qui fait partie des cadres de l'OS... Et qui vient chez nous, comme on dit, hein, qui est un ouvrier local de Firminy. Et c'est vrai que moi, j'avoue, j'ai vu Omar Haring cité ici ou là pendant mes travaux. J'ai plus découvert Omar Haring à travers le travail de Dao Djerbal et puis le Métron qui a écrit il y a quelques années une biographie de Omar Haring. Et c'est vrai que j'ai redécouvert réellement le personnage bien après ma thèse, quoi, il y a 20 ans. Et puis également dire que c'est dans les usines, que ce soit à la mine ou que ce soit dans la sidérurgie, la métallurgie, la mécanique, bref, les deux groupes principaux pourvoyeurs de main-d'œuvre, eh bien, il y avait des services intitulés services sociaux de la main-d'œuvre nord-africaine, algérienne et marocaine. On spécifiait dans certaines compagnies minières avec l'idée que, oulala, il ne faut pas que les idées dites séparatistes, elles se diffusent trop auprès des ouvriers marocains. Et puis le délire, il va très loin dans la fabrique, dans l'histoire de la fabrique d'une image docile du travailleur marocain à la différence du belliqueux qu'est le travailleur algérien. On est en plein mouvement d'indépendance pour l'Algérie. Alors c'est très intéressant parce que c'est ces personnages-là qui, effectivement, comme tu le dis, on les recrute pour leur bonne connaissance des us et des coutumes indigènes. Ils parlent l'arabe, le kabyle et tout. Et ils sont clairement menacés par les organisations, enfin par les cadres notamment, enfin au niveau de la au sommet de la pyramide du FLN, il y a mission de les faire disparaître, de les assassiner comme si ça a été le cas pour le colonel Riet. Et en même temps, oui, bureau d'assistance, mais vraiment bureau de contrôle, de surveillance, tout remontait un étage au-dessus parce que la répression, elle a été forte aussi dans une ville dans un territoire comme celui de l'agglomération stéphanoise, symboliquement et historiquement. Octobre 61, c'est Paris, c'est la Seine. Mais d'une certaine façon, au même moment, en 61, les Algériens sont interdits, il y a un couvre-feu aussi, ils sont interdits d'aller au cinéma, au resto, etc. Il y a un contrôle extrêmement important sur des lieux qui ne sont pas que des lieux de sociabilité, mais à savoir les bars des Algériens de Tarentaise et d'autres quartiers de la ville ou de l'agglomération, où là, alors on a une jolie histoire aussi, c'est... La femme, parce que les organisations, les réunions clandestines, elles se faisaient dans des caves, ou pas dans l'espace du bar, mais dans la cave du bar ou du voisin à côté. Et la répression était réelle. Si j'avais lu 6000 contrôles policiers annuels en permanence dans les 56-58, c'est les années les plus compliquées, les plus violentes, jusqu'au démantèlement du FLN dans l'agglomération stéphanoise. Et c'est vrai que cette répression policière, elle est réelle. Il y a des gens, il y a la moindre manif, etc., il y a des déportations, comme on peut le lire dans l'histoire des militants du fichier Z. Et puis, j'ai envie de parler d'une femme à Saint-Étienne dont il faut continuer à interroger ses enfants, c'est Madame Haïch. Son mari tenait un bar et elle, et parfois des armes transitaient. Et c'est juste ce que tu disais, Antoine. Et tout le flip, les armes, parce que c'était le gros problème, là. Les armes. En avril 58, je crois, on trouve dans la presse, on lit, voilà, on a trouvé des armes, etc. Et donc, Madame Haïch est arrêtée est arrêtée, accusée, femme, une paysanne, hein, femme d'un un monsieur Haïch, son mari qui tient un bar, elle est arrêtée. Alors, l'histoire, bon, c'est ce que les gens m'ont raconté, elle a fait une fausse couche. Ah, c'est vrai, en prison, où elle est restée quelques jours. Et je pense que, vraiment, pour finir, parce que je pourrais parler des heures, mais à la fin, je dis rien, j'ai juste envie de dire que urgente est la nécessité de tendre des micros. Et il y a quelques messieurs, quelques femmes, quelques vieils hommes, vieilles femmes qui peuvent apporter leur témoignage. Et comme Omar Hareg, on le découvre sur le tard. Moi, j'ai découvert sur le tard l'histoire d'Omar Hareg. Je l'ai vu dans certaines, en lisant les travaux de Daho notamment. Et vraiment, on va l'interroger parce qu'il a traîné ses guêtres ici dans l'agglomération stéphanoise dans les années 90. Et je ne sais plus qui il a rencontré, mais bon, bref. En tout cas, nécessité il y a d'aller faire ses interviews. Et j'ai amené avec moi au moins 3 milliards de papiers que je ne vais pas lire, mais il y a beaucoup d'entretiens qui sont restitués, puis il y avait deux dates clés comme ça que je voulais retenir. Mais il y a une histoire que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de plaisir à travailler sur ces sujets. On doit travailler sur une histoire aussi sensible. Elle revient d'abord pour respecter la discipline géohistorique, mais comme toute discipline des SHS, des sciences humaines et sociales, notre souci, c'est d'historiciser, hein, de rappeler le contexte socio-historique, politique, etc. Et il y a une histoire qui m'a beaucoup plu, c'est celle de la construction du... On revient sur la... Du coup, je termine en revenant sur l'habitat. Enfin, pour ce qui me concerne, je termine. L'habitat... comment la puissance publique, elle va se dire, allez, il faut faire la politique de pacification. On est dans le temps de la violence de la guerre d'Algérie, les années les plus violentes. Il faut absolument pacifier. C'est le discours. Politique de pacification en Algérie, politique de pacification en métropole. Et l'État va se bagarrer avec l'administration nationale française va se bagarrer avec des élus locaux parce que depuis en 52 est décidée la création d'un foyer de travailleurs nord-africains. Ce foyer de travailleurs nord-africains va voir le jour pour les Stéphanois, au Bois Monzil. Vous voyez le Bois Monzil à la frontière de Villars. Alors, c'est une épopée, mais j'aurais pas le dire, mais c'est à mourir de rire quand vous relatez toute l'histoire à partir des documents d'archives. Et en fait, il arrive finalement à voir le jour en 56 où il accueille des premiers occupants. Alors, les gardiens, il est aussi recruté pour sa bonne connaissance des us et des coutumes indigènes. Il a quand même un flingue à la ceinture. Et ce foyer existe, donc c'est bien, on va essayer de résorber le problématique du logement. Bon. Et ce foyer devait voir le jour sur un territoire de Villars, sur le territoire communal de Villars. Et il se trouve qu'il y a une guéguerre entre le ministère et les édiles locaux, parce que le maire de Villars, il n'en veut absolument pas de ce foyer. Vous savez pourquoi ? Alors j'ai retrouvé ce courrier où, alors c'est le ministre, c'est le cabinet du préfet de Lyon qui s'énerve, qui écrit au ministère de l'Intérieur, à la direction de l'Algérie et des départements d'outre-mer, et qui dit, bon, on a un problème, en gros, avec le courrier date de mai 52, on a un problème avec le maire de Villars. Le maire, dit Joly, le maire de la commune de Villars, dont dépend la parcelle de terrain sur laquelle doivent être édifiées les constructions, a manifesté la crainte que l'inscription sur les listes électorales de sa commune de plusieurs centaines de Nord-Africains ne bouleverse la majorité actuelle de la municipalité. Point. Le rattachement de cette parcelle à la commune de Saint-Étienne, dont elle est limitrophe, permettrait de remédier à cet inconvénient, à condition que la procédure de rattachement ne soit pas très longue. On est en 52, édification en 56, et c'est comme ça que la ville de Saint-Étienne, elle a gratté quelques mètres carrés de plus sur le territoire, sur son territoire nord, à la frontière de la commune de Villars. Et le fameux foyer, à la base, c'était l'architecte Henri Gouillon, grand architecte stéphanois, Henri, à qui l'on propose de penser cet habitat pour les Nord-Africains. Alors, vous me connaissez, je parle avec mes mots, mais vous verrez avec une photo qui est lisible pour vous. Mais en gros, c'est le village de Tarzan qu'il a proposé. Et c'est sincère, parce qu'il se dit, on me propose de construire des logements pour les Nord-Africains. Il propose une mosquée, un petit souk, et puis donc c'est un espace circulaire, et puis tout autour des habitations. L'idée étant que le travailleur algérien, puisque c'est destiné strictement au seul travailleur algérien, puisse retrouver l'esprit du bled. Et en fait, c'est pas ça qui va être retenu, in fine. C'est en 56, donc c'est une barre qui va être retenue, qui va être construite. Certains d'entre vous l'ont connue, cette barre du Bois Monzil. Elle a été détruite dans les années 90. Quiconque se balade là-bas, par ceux qui se sont fait plaisir à regarder deux, trois choses, il n'y a rien. Il n'y a aucune indication sur ce qui a été le premier foyer de travailleurs nord-africain construit dans la région. Donc, ce qui nous amène à la question de la mémoire, et peut-être les traces dans les archives. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le besoin impérieux de continuer le travail d'enquête que vous avez mené, qu'on a mené aussi dans le cadre de notre exposition. Je vois un témoin dans la salle et je le remercie de sa participation. Et notamment parce que les archives publiques, malgré toute leur qualité, ne sont pas complètes. Elles proviennent de la puissance publique et nécessairement, il y a des intervenants ou des choses que l'on peut voir qu'en creux. Notamment, et c'est un écueil sur lequel on est malheureusement tombé, sur l'implication notamment des femmes dans le cadre du mouvement indépendantiste algérien, qui est quasiment absente à quelques exceptions près des archives publiques. Et on a eu aussi un peu de mal à trouver des témoins permettant de relater l'investissement qui me semble être beaucoup plus important que ce que l'on peut trouver dans les archives publiques. Donc ce besoin de continuer et de poursuivre ces entretiens me semblent être d'une importance toute particulière. Je voudrais faire un témoignage aussi, parce que la guerre d'Algérie, vous le savez, a été source de division entre Algériens, on l'a vu, MTLD, MNA et FLN, division entre Algériens et Français, bien sûr, division entre Français et... On a évoqué tout à l'heure la répression, 56-58. Leïla disait que c'était un moment majeur. Et effectivement, dans la région stéphanoise, il y a plusieurs manifestations qui sont réprimées durement en 57 et au début 58. Et à propos d'une de ces manifestations, j'ai oublié la date exacte, mais je crois que c'est dans le contexte du drame de Sakiet Sidi Youssef, donc février 58. Il y a une manifestation qui se déroule à Saint-Étienne, une manifestation uniquement de militants algériens. Et cette manifestation est très durement réprimée par les CRS. Et alors, il y a un témoignage que j'ai entendu, parce qu'il était enregistré, d'une personne exceptionnelle, parce que c'était Théo Vialmassa, qui était par la suite député de Londaine et maire de Firminy. À l'époque, il est responsable de la Fédération de la Loire et il est membre du comité central. Et il y a un comité central qui se réunit début mars 58. Et à l'époque, les réunions du comité central sont enregistrées. Et j'ai écouté cet enregistrement et il dit quelque chose d'absolument hallucinant. Que les CRS étaient applaudis par les travailleurs français qui étaient sur les trottoirs. Les mêmes CRS, il les dit tel que les mêmes CRS qui, 10 ans auparavant, en 1948, avaient réprimé très durement les mineurs, ces mêmes CRS, donc, étaient applaudis par les travailleurs par les travailleurs français. Et il voulait, en fait, devant le comité central, poser la question du racisme à l'intérieur de la classe ouvrière. Et je crois que c'est un point tout à fait essentiel, que je ne sais pas si on peut l'évoquer plus en détail, mais je pensais que c'était important de parler de ça. Alors, la guerre d'Algérie a laissé évidemment des traces. On veut peut-être consacrer un petit développement sur le legs des luttes fratricides entre Algériens et puis sur la mémoire de la guerre en France et en Algérie. Alors, Leïla, peut-être on va te redonner la parole si tu... J'ai envie de dire... Tu es intarissable. Non, mais là, il faut que je me tarisse. énormément, je ne veux plus rien dire. Alors, je disais... Il y a un mot clé sur lequel nous devons continuer à travailler, c'est la notion de traumatisme. C'est celle-ci que j'ai envie d'évoquer. Moi, je suis née bien après la guerre d'Algérie. Mon père était, paix à son âme, un militant collecteur de fonds du FLN sur le quartier de Fourneyron. D'ailleurs, il payait pour ceux qui ne voulaient pas payer. Ils étaient rares, mais enfin, 90% de, comme on disait à l'époque, la colonie algérienne, elle payait. Hein, elle payait collecte de fonds au service du FLN. Oui, c'est un point qu'on n'a pas évoqué, d'ailleurs, oui. Qui est une des causes de la lutte entre MNA et FLN, le contrôle de l'argent de la Fédération de France. Oui, après, il y a une histoire, je dirais plus, politique, et qui est à comprendre en Algérie, hein, l'organisation du mouvement nationaliste algérien, la création de l'ALN, etc. Voilà, il y a plusieurs facteurs, je dirais. Je reviens à cette histoire de traumatisme. Bon, moi, je suis née bien après la guerre d'Algérie. Oui, j'ai travaillé sur cette histoire avec plaisir, avec grande curiosité. Et je pense qu'il y a encore... j'ai peut-être épuisé 10% des archives. Hein, il y a du boulot encore. C'est génial. Il faut savoir que... D'après, dans chaque famille, on raconte ou pas, ou plus ou moins bien. Moi, on a raconté... À titre très personnel, mon père a raconté, que d'autres hommes ont raconté, ont bien voulu se livrer cette histoire. Les femmes, les mamans, les mères, elles, qui expliquent qu'en octobre 61, il y a un couvre-feu, il y a un projet que des femmes stéphanoises, algériennes, manifestent à pied jusqu'à Saint-Chamond. Il y a ce projet aussi. J'ai lu trois lignes comme ça dans la presse à l'époque où on dit qu'elle a été interdite. Mais j'aimerais continuer à travailler sur ce fait-là. Mais au-delà de la lecture historique, à partir des témoignages, à partir des documents d'archives, à partir aussi d'une lecture, moi, qui m'éclaire beaucoup, c'est la pensée de Frantz Fanon. Tu l'as très bien dit, Jean-Michel, tout à l'heure. Frantz Fanon... Il y a beaucoup de Français qui ont épousé la cause algérienne et porteurs de valises, etc., des réseaux importants qui sont constitués. Et Fanon, il avait cette phrase, il disait « Oui, paix en Algérie, c'est sûr, mais victoire en Algérie surtout ». Il avait cette phrase « Paix en Algérie, oui, mais surtout victoire en Algérie ». Donc on peut raconter une très belle histoire aussi de ces prêtres ouvriers, notamment, qui ont joué un rôle clé également. Bref, une société locale qui va épouser en partie, puis une autre qui comme tu le dis, qui applaudit le CRS quand il faut tabasser. Enfin, il y a des ratonnades aussi qui existent. On n'a pas inventé le terme aujourd'hui ou en 73 quand il y a eu les ratonnades des Algériens à Marseille. Mais je reviens à la question du traumatisme. Le trauma colonial, même quand on est né après, je ne suis pas en train de vous dire que je porte en moi. Je suis une héritière, comme beaucoup de gens en France, de cette histoire. Et qu'il est important de combler les trous de mémoire, simplement pour traverser le tunnel. Et comme je le dis souvent, le mérite d'une démocratie, c'est de se prendre en pleine figure les fantômes de l'histoire, mais d'en faire quelque chose. C'est-à-dire de repenser les cadres d'une histoire collective qui laisse la place à cette autre histoire que l'on a essayé de taire, etc. L'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on peut travailler, on peut aborder peut-être plus facilement qu'hier, mais il y a quand même un problème, je trouve, des difficiles que l'on ne donne pas suffisamment d'intérêt et d'importance à cette notion de traumatisme. Parce que, comme je le disais, je suis née, moi, bien en 67, après la guerre d'Algérie, en 67, oui, après la guerre d'Algérie. Et pourtant, je m'intéresse toujours à ces reliquats, ces résidus que nous rappelle notre temps présent dans le rapport à l'autre, aux minorités issues de l'immigration coloniale, algérienne plus singulièrement. Et je trouve qu'il reste encore des reliquats, des résidus qui me rappellent une autre histoire sans dire qu'on vit une stricte reproduction du temps colonial. Mais la question des violences policières, par exemple, la question des préjugés, des discriminations à l'encontre, à l'endroit, à l'adresse des héritiers issus de cette immigration aujourd'hui et qui résonne jusqu'à nos frontières aujourd'hui. Les migrants venus, je ne fais pas un grand écart, mais en tant que citoyenne, ça m'intéresse de voir aussi qu'aux frontières de la Méditerranée, allant jusqu'à Lampedusa ou Calais, les migrants, ceux que l'on appelle les hommes, les femmes, les migrants d'aujourd'hui, eh bien, venant des pays ex-colonisés, ils sont aussi l'objet de stigmatisation, de préjugés qui rappellent ce qui se disait dans les termes. On énonce les mêmes termes parfois dans une autre période. Donc, je dis juste, travaillons sur le traumatisme qui est, me semble-t-il, une zone d'ombre des sciences, dans les sciences humaines et sociales. Il faut qu'on travaille sereinement sur ce que cela veut dire, ce qui l'impacte, et puis de repenser le rapport à la mémoire et de cesser de disqualifier ou de délégitimer tous ceux qui, au prétexte réussi de cette immigration coloniale, seraient illégitimes parce que trop impliqués. C'est une bêtise inouïe quand on fait de l'histoire, la recherche, etc. On s'en fout de... Enfin, je veux dire, on objective le réel et on part de ce que l'on a comme support. Et je suis triste parfois d'entendre au moment où je travaille sur un projet d'exposition sur la guerre d'Algérie, je ne dirai pas de nom, hein, mais je n'aime pas entendre suspecter ma posture de chercheur ou de citoyenne qui a envie d'apporter sa pierre à l'édifice pour une meilleure connaissance, la vérité historique. Et je n'aime pas être suspectée de revancharde, voilà, qui serait une adepte. J'en ai rien à foutre de la revanche et de la repentance, mais vraiment rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité historique et la question de construire un commun. C'est tout. Oui, la vérité, elle naît du débat, elle naît de la connaissance. Elle naît, la connaissance, elle est liée aux archives. C'est vrai que pendant longtemps, on a caché, on n'a pas voulu donner accès aux archives. Alors, ça a été jusqu'à récemment pour la guerre d'Algérie, mais avant, ça a été pour la Deuxième Guerre mondiale. Ça a même été, moi, quand j'ai commencé mes études, on ne pouvait même pas faire des travaux sur la Première Guerre mondiale parce qu'il y avait encore des archives interdites. Mais je voudrais quand même maintenant donner un peu la parole à la salle pour des réactions sur cette question, alors sur ce qu'on a abordé, peut-être plus particulièrement sur les expériences ou sur la mémoire. Si vous avez des choses à dire, on va vous donner la parole. Tu fais circuler le micro. Bonsoir, merci. Ah, je déteste les micros. Oui, on est enregistré. Je commençais par une petite blague. Vous parliez de traumatisme, peut-être que, et vous parliez du travail de recherche qui est de chercher dans les archives, souvent les archives de la préfecture. Je pense pas que la préfecture elle s'intéresse beaucoup au traumatisme, et c'est peut-être pour ça que vous en avez pas, qu'il faut documenter ces choses-là. Je voulais poser la question parce que j'ai vu des textes du Grémos passer par rapport à la position difficile des ouvriers à Saint-Étienne et par rapport aux guerres. Et Saint-Étienne possède pas mal d'industries qui vont produire des armements. Et est-ce que par rapport au conflit en Algérie, vous avez entendu parler de choses ou lu des choses? Bon, je vais essayer de répondre, d'autant plus que la question de la production des industries de guerre, le dernier article sur le site, sur la question, il est de ma plume. Pour avoir regardé vraiment pas mal de dossiers récemment, bon, les mêmes que Léla en grande partie, mais comme elle le disait, en fait, je crois même qu'une thèse de doctorat ne suffirait pas à épuiser toutes les archives pour le bien du doctorant ou de la doctorante. Hein. C'est faramineux. Sur la période 44-62, puis même 62, c'est pas un bon repère, c'est pas une bonne fin. Tout se termine pas en 62. Le traitement administratif des Algériens en particulier, les questions de logement, ça se prolonge bien au-delà. Donc, dans ce que j'ai pu voir, alors un petit peu donc d'archives préfectorales, un peu d'archives des entreprises, il y a pas cette question en fait qui se pose. Il n'y a pas une peur de l'espionnite, il n'y a pas une peur que les travailleurs touchent à des enjeux du complexe industrialo-militaire. En fait, je pense tout simplement parce que la qualification même des travailleurs fait qu'ils n'ont pas accès à des productions dans lesquelles ils pourraient être susceptibles de saboter. Voilà, il y a beaucoup plus de manœuvres ou d'OS que d'ouvriers qualifiés. Ils sont à des stades de production qui ne sont pas forcément ceux sur lesquels ils pourraient avoir une influence décisive. Et en plus, parce qu'il n'y a quand même pas que des productions militaires dans les usines sidérurgiques et mécaniques de la Loire. Il y a quand même des productions civiles aussi. Donc je n'ai pas vu les mêmes hantises que les Première et Deuxième Guerres mondiales ont pu faire, où il s'agissait vraiment de surveiller les faits et gestes du moindre travailleur étranger. Voilà, c'est plus la question. Même avec la situation d'une guerre qui ne dit pas son nom, même avec des interventions militaires à l'étranger à cette période, non, j'ai pas l'impression que ça soit un enjeu, en tout cas dans les archives qui sont communiquées, qui a priori ne sont pas... Voilà, il n'y a rien qui est soumis au secret défense qui... Dans ce qu'on peut regarder, donc a priori, la question ne se posait pas, en tout cas en ces termes. C'était vraiment simplement de la bonne marche de l'économie française et du maintien de la paix, d'une certaine manière. Quand on parle d'histoire... vos interventions m'ont tellement intéressée que je... Il faut que je réfléchisse. Mais en fait, je me disais, par exemple, que quand on parle de paysans et qui viennent travailler en France et qui deviennent ouvriers, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que la colonisation a dépossédé les paysans. C'est-à-dire, quand moi, ma famille... me parle de mes grands-parents qui avaient des chevaux, qui faisaient ça à cheval et qui parcouraient des distances, puis qu'après ils se retrouvaient dans des espaces réduits et à la pauvreté, qu'il y a eu le typhus, qu'ils n'arrivaient même pas à se nourrir, alors qu'avant ils étaient bien. Enfin, quand je vois des vieilles photos de ma famille, ils avaient le burnou, le chèche bien propre. Et quelques temps après, ils étaient loqueteux. C'était ça. Et quand ils sont venus en France, c'est pas parce que la France avait besoin. D'ailleurs, oui, enfin, je reviendrai après, mais c'est parce que, justement, ils ne pouvaient plus se nourrir. Il y avait cette question de nourriture, de dépossession de terre. Et ça, en Algérie, ils étaient tellement peu nombreux que l'espace algérien... ce qu'on peut dire algérien, était immense et les gens étaient libres de circuler. Quoi. Et quand la France est arrivée avec sa colonisation, ils ont réduit tous ces espaces pour installer des Espagnols, des Italiens, des gens qu'on concevait plus pour des gens citoyens, alors que les autochtones étaient plutôt des parias. De toute façon, ils ne s'intégreront jamais. Moi, j'ai entendu j'avais 30 ans, c'était des pouilleux, enfin, c'était des pieds noirs qui parlaient de la population algérienne, etc. Alors que c'est eux qui les ont rendus pouilleux, quoi. Enfin, je veux dire, y a ça qu'il faut pas oublier, quoi. Et puis, ils sont pas venus de pleine, mon père, il est pas venu vraiment par plaisir pour travailler ici. Il a été plus ou moins chassé par des colons parce qu'il voulait pas dénoncer des gens de sa famille qui avaient volé du bois pour se chauffer. Donc il était venu parce qu'il avait peur de prendre un fusil puis de tirer et qu'il serait condamné, quoi. Donc il est venu un peu pour se sauver, mais il s'est retrouvé dans des conditions d'ouvrier qui étaient, bon, voilà, avec tout ce que Leïla a raconté. Il y a donc je veux dire, quand on parle de paysans, c'est pas des pauvres paysans qui allaient travailler, chercher du travail en France, quoi. Et après, on leur a donné du travail ouvrier. Tandis que la dépossession, ça met des gens dans des conditions tellement pauvres qu'ils sont obligés de partir de chez eux. Donc, ce qui se passe actuellement pour tous ces émigrants qui partent, parce qu'il y a la dépossession qu'il y a eu par le colonialisme, mais aussi par le fait dans leur terre, on a tellement le pétrole ne leur appartient pas, le gaz ne leur appartient pas, tous ces produits qui pourraient servir à leur économie propre, eh ben, ils ne leur appartiennent pas. Donc ils deviennent de plus en plus pauvres et ils ont besoin d'aller ailleurs. Alors c'est ça que je trouve, que quelquefois on oublie un peu que c'est la dépossession, c'est comme... voilà, c'est ce que je voulais dire. Et il y a autre chose aussi que je voulais dire, c'est que les Algériens ont été français qu'en 45, hein, c'est ça? Je crois, il faudra me le dire, mais c'est 45, alors que les Juifs avaient la nationalité française avant. Alors ils étaient très en colère parce que ils trouvaient que c'était pas normal que eux qui étaient là et qu'on a colonisé, ils deviennent pas français. Et une fois qu'ils ont été français, quand ils sont nés en France, on ne reconnaissait pas le statut de français. Ils ont été toujours un peu à part, quoi. Alors moi je trouve que les jeunes issus d'immigration qui sont actuellement soi-disant insérés, ben ils ont un peu oublié que leur insertion, c'est aussi être né quelque part, comme dirait la chanson. Voilà, j'ai fait un peu le tour, mais vous avez intervenu d'une façon tellement riche que je vais dormir intelligente. Moi, je trouve que vous posez le problème, madame, de tout le discours des colonisateurs et tout le discours de la réalité de la démocratie française. C'est vrai que les républicains ont raté plein d'occasions d'appliquer vraiment leurs principes. Dans les années 1880, au moment des projets Blum-Violette en 1936, en 1947... on adopte un statut qui est quand même assez limité et qu'on se dépêche de violer tout de suite. C'est vrai que la République n'est pas sortie grandie de cette affaire. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, si une autre chose peut-être par rapport à ce que vous avez dit sur la dépossession, c'est vrai. Et il y a un discours qu'on entendait beaucoup, moi, quand j'étais à l'école, c'est la civilisation, le progrès, la médecine, l'alphabétisation. Bon, la France est arrivée en Algérie en 1830, en 1860, en 1960, il n'y avait pas 10% des enfants algériens qui étaient alphabétisés. C'est quand même... alors moi, quand j'étais prof, je disais à mes élèves... Oui, mais enfin, moi, je disais à mes élèves, calculer combien d'années il faudrait pour qu'ils deviennent tous alphabétisés. On arrive à des siècles et des siècles. C'est vrai que c'est un échec. Enfin, je veux dire, il y a un double discours qui est totalement, qui explique tout à fait le drame qu'on a connu par la suite, quoi. Ouais. On pourrait dire la même chose sur la mortalité infantile. C'était 10 fois plus chez les enfants. Je ne sais pas comment on dit, de souche algérienne, musulman, enfin, par rapport aux ceux qui étaient d'origine européenne. La mortalité infantile était énorme chez les enfants au moment de l'indépendance. Hein, je ne parle pas de 1830. Oui, je profite d'avoir le micro pour poser une question quand même sur les archives. Ah. Parce qu'effectivement, les archives ont été en grande partie déclassifiées depuis 2019, je crois, ou 2020, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a une partie des archives nationales, en tout cas, qui ne sont pas encore déclassifiées. C'est celle qui concerne les enfumades au moment de la conquête et celle qui concerne ce même type de méthode pendant la guerre. J'ai lu ça dans la revue 21, en fait, où il y a un chercheur qui essaye d'avoir les informations sur ce qu'on a pu faire et au moment de la conquête et au moment de la guerre d'Algérie. Et ça, quel type d'armes ont été utilisées, quel type de fumée, de gaz, c'est encore compliqué. Enfin, il y a encore des sujets assez sensibles. Oui, alors il n'y en a vraiment plus beaucoup maintenant qui sont encore soumis au secret. Alors je ne connais pas précisément cette question puisque je connais assez peu les archives nationales. Et je pense que si elles sont encore classifiées, c'est parce que le ministère de la Défense estime qu'il y a encore un enjeu en termes de sécurité publique aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est justifié ou non, mais en tout cas c'est la raison qui est invoquée aujourd'hui pour continuer à avoir un régime de communicabilité différent de celui qui a été adopté en 2019 pour une dérogation générale sur cette période. Donc il reste encore quelques cas, mais c'est très résiduel, d'archives non ouvertes. Merci. Et du coup, il y avait Alaoua et Michel. Merci. Oui, effectivement, sur la question du statut de... Il me semble que le statut du témoignage serait sans doute à questionner, parce que c'est vrai que concernant cette période-là, on a beaucoup d'archives publiques, mais pas uniquement cette période. Hein. La présence et l'activité des immigrés algériens à Saint-Étienne, notamment à l'occasion des conflits, hein, donc la guerre d'Algérie, il y a des témoignages, ils existent. Hein. Et malheureusement, la plupart des chercheurs n'y ont pas accès. Alors moi, je pense notamment à Serhaldine, qui vit, je crois qu'il est, il est toujours en vie, il est à Alger. Ça a été un personnage clé à Saint-Étienne. Rachid Benzema. Et puis, il y a des témoignages familiaux qui ont été recueillis et tout. Bon, moi, j'ai eu la chance de pouvoir recueillir celui de Belkacem Sayad, parce que c'était mon grand-oncle. Et sur les conseils d'Abdelmalek, parce que c'était il y a une quarantaine d'années, donc avant qu'il décède, Abdelmalek Sayad, donc son neveu, qui est sociologue, il m'avait dit qu'il faut à tout prix, vite, pouvoir l'interviewer. Alors, effectivement, quand on est à l'intérieur, les récits de l'intérieur du FLN, et je dirais même aux périodes antérieures, elles sont très intéressantes, très éclairantes. Alors, l'histoire de Belkacem Sayad, de mon point de vue, mériterait d'être creusée. Alors, il y a des choses qui ont été faites, je crois, au niveau national. Je crois que c'est deux revues qui ont fait des articles à ce sujet de Belkacem. Moi, je me souviens avoir lu quelque chose de La Croix, hein, notamment. Hein, je crois qu'il a écrit quelque chose, une pleine page sur Belkacem Sayad. Voilà, il y a une quarantaine d'années. Hein. Alors, Belkacem, Belkacem Sayad, moi, quand je l'ai interviewé, on peut dire, enfin, c'était plutôt une réunion familiale, mais il m'a raconté un petit peu dans quelles conditions il est venu à Saint-Étienne. C'était au début des années 20. Alors, ils étaient un groupe de jeunes. Hein, donc, il y avait mon grand-père, etc., qui ont été enrôlés de force dans le village d'Arbala. Ils ont été traînés, donc attachés par des soldats français. Ils étaient attachés avec des cordes. Et traînés, ces soldats étaient sur des mulets. Et cette première humiliation, parce que Belkacem Sayad se sentait plus ou moins protégé parce qu'il appartenait à une famille Sayad et son, le grand-père de Belkacem, d'Abdelmalek, était caïd. Il était caïd parce que en 1870, quand il y a eu les insurrections, là je répondrai un petit peu à ce que Auri disait. Il y a eu une multitude d'insurrections, hein, mais c'est vrai que l'armée française est arrivée à pacifier la Kabylie une quarantaine d'années après. Mais lors des insurrections de 1871, donc menées par Cheikh Haddad et Mokrani, qui étaient tous les deux, bon, Haddad c'est de Sédouk, qui est à 7 km en fait du village d'Arbala, et Mokrani, qui est derrière l'allée, qui est une trentaine de kilomètres, ces deux chefs de l'insurrection, bon, l'insurrection a été matée, hein, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des déportations, et puis il y a eu des gens qui sont partis, se réfugier en Tunisie et autres, et puis il y a eu effectivement confiscation de terres, des pénalités très très lourdes infligées à la population, mais sur l'ensemble du territoire à la limite, hein, parce qu'en fait des insurrections, il y en avait un peu partout. Certains ont été décapités sur la place publique et autres. Les leaders ont été emprisonnés. Et puis, donc, la population, elle a énormément souffert de ces dépossessions de terre. C'est à cette occasion, donc, que les paysans kabyles, les Flahs, qui étaient propriétaires de terre, qui travaillaient à la terre, ont découvert le salariat. Hein, voilà, ils ont commencé à descendre dans les plaines pour travailler chez les colons, et puis pour certains à travailler dans les ports. Donc il y a eu la découverte du salariat à cette occasion, et cette région Petite Kabylie a été particulièrement touchée puisque les chefs insurrectionnels étaient de cette région, et donc il y a eu, on peut dire, clochardisation de la population, et donc a provoqué les premiers exodes, je pense que l'arrivée des premiers migrants à Saint-Étienne date de cette période, la fin du 19e. On a un témoignage de M. Zenaf, l'oncle de Brahim Zenaf, que certains connaissent peut-être ici, qui racontait, alors moi je l'avais écouté, mais bon, je n'avais pas trop capté, qui racontait qu'à Saint-Étienne, il avait vu Buffalo Bill. Alors, et puis effectivement... Il y a eu le cirque des Buffalo Bill qui est passé au Champ de Mars, et je crois que c'était en 1906. Donc voilà. Et il racontait que ces gens-là lui ressemblaient un petit peu. Enfin bon. Mais donc voilà, je pense que les traces de migrants, elles sont antérieures. Il y a celles qui sont effectivement répertoriées, puis il y a tous ceux qui n'étaient pas répertoriés. Mon grand-père, quand il arrivait avec Belkacem Sayad, il dormait dans des cabanes de jardin à la taillée. Bon, je présume qu'à cette époque-là, bon, ils n'étaient pas inventoriés, comme ils n'avaient pas d'adresse d'abord, d'une part. Et avec eux, il y avait d'autres migrants. Il s'est avéré plus tard que ces autres migrants, c'était des gens qui descendaient des hauts plateaux de l'Ardèche et qui ne parlaient que le patois. Donc, mais voilà, cette période-là, donc Belkacem Sayad est issu un petit peu de cette histoire-là. Il est arrivé très tôt à Saint-Étienne, suite à cette humiliation ultime d'avoir été embarqué pieds poings liés par l'armée française pour aller combattre dans le Rif marocain. Ils se sont retrouvés dans un pays où, en face, ils avaient des gens qui parlaient la même langue qu'eux. Alors, ils me racontaient qu'ils faisaient plus de mitard qu'autre chose parce qu'ils tiraient en l'air et tout. Alors, on les foutait aux cuisines ou aux mitards. Et puis là, sur place, ils ont rencontré des gens qui leur ont dit « Mais ça s'embauche à Saint-Étienne. » Ils ont traversé. Ils sont venus s'installer, donc, comme je racontais, à la taillée, etc., des petits jobs. Mon grand-père est reparti au bout de quelques années, parce que c'est vrai que c'était souvent des immigrations un peu de courte durée. Belkacem, lui, s'est installé durablement, et puis petit à petit, à force de côtoyer le milieu ouvrier, comme d'autres qui étaient durablement installés ici, ça a été l'engagement dans des mouvements ouvriers, dans les syndicats, etc., avec donc certains... pas à Saint-Étienne, mais en région parisienne, était même engagé à Aulnay-sous-Bois. Il y avait une section de la CNT, une centaine de travailleurs algériens, qui ont été combattre en 1936 en Espagne. C'était des volontaires. Donc, qui allaient combattre dans les brigades anarchistes ou Rabat Sidoum et tout, donc combattre dans les brigades internationales. Donc, cet engagement, le fait de côtoyer les mouvements ouvriers, d'être sensibilisés plus ou moins, hein, avec tout le PC bien évidemment, mais il y avait ceux qui avaient une culture politique assez, un capital culturel politique assez profond, parce qu'ils côtoyaient plutôt des anarchistes ou d'autres obédiences. Donc du coup, voilà, ça s'inscrivait dans... j'ai récupéré en Espagne des écrits de Mohamed Sahil, et puis à la bibliothèque de la CNT à Paris, des écrits où dès la fin des années 40, il est mort en 53, je crois, il dit, oui, bah, écoutez, moi, ce qui se passe un petit peu en Algérie, notamment l'émergence de ce qui allait devenir le FLN, je suis d'accord, bien évidemment, je suis un militant nationaliste et tout, mais je me méfie un petit peu de ça, parce que ce qui est en train de se tramer, c'est que après coup, l'indépendance, on l'aura. Mais après coup, il risque force d'y avoir un régime théocratique ou un régime autoritaire. Mohamed Sahil, ses écrits, ils sont disponibles. Moi, j'ai les écrits originaux, mais ils sont disponibles. Donc, il y avait quand même une conscience politique très, très forte. Belkacem Sayad, je dirais, et le FLN, c'est une histoire aussi, comme j'ai entendu par rapport à Arag, c'est une question aussi de génération. Il y avait ceux qui étaient engagés dès les années 20, les années 30 dans le mouvement nationaliste algérien, le mouvement des travailleurs algériens et le MTLD, et puis qui ont rapidement basculé du côté du FLN. Et puis il y a ceux qui sont restés fidèles, notamment la petite Kabylie, étaient très fidèles au MNA. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a eu des purges très très. Il y a eu, à Taouenza, il y a eu des massacres perpétrés par le FLN, mais que le FLN a essayé de mettre sur le dos de l'armée française. Stora, il en parle beaucoup. Donc ça s'est traduit à Saint-Étienne par effectivement beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je suis né juste un petit peu avant le début de la guerre d'Algérie, mais comme j'habitais le quartier Beauvron à Tarentaise, et puis que donc j'étais au cœur famille FLN, mes deux oncles sont partis de Saint-Étienne, ils travaillaient à l'usine, ils sont partis rejoindre le maquis, ils sont morts tous les deux. Alors, il y a eu des ouvriers qui sont partis rejoindre les maquis. D'autres ont constitué les cellules et des troupes de choc, Kenous, Kassa, Kenous, bon, mon père, dont on... C'est d'ailleurs dans les archives de la police, on parle d'une traction noire qu'on voyait souvent, c'était celle de mon père. Voilà. Et je me souviens que tout gamin, quelquefois, ben, mon père, il nous laissait au Champ de Mars parce qu'on avait des gamins au bidonville de Méon. On avait des cousins. Et il me laissait là-bas. Il était supposé revenir au bout de 2 ou 3 heures. Puis il revenait 2 ou 3 jours après. Ma mère était fort inquiète parce qu'en fait... Et puis on apprenait par la suite qu'il y avait un truc qui avait sauté quelque part ou je ne sais trop quoi. Alors, bon, je parlerai pas des troupes de choc, même si j'ai quelques idées et puis des témoignages là-dessus de ceux qui étaient effectivement, qui allaient éliminer. Hein, alors, on allait éliminer qui ? Ben, ceux qui étaient supposés collaborer avec la police, hein, les indicateurs, bien évidemment. Et puis, pour le MNA, c'était les membres du FLN, parce que le FLN avait des méthodes très dures. Hein, même si moi, je suis de famille FLN, voilà, on me raconte que quelquefois, ça flinguait des patrons bistrots qui refusaient de cotiser. Et puis ensuite, derrière, il y avait une... on habitait au premier étage du 17 rue Persémar. Au rez-de-chaussée, il y avait le bistrot de M. Aziz Kadri, qui était mort. Donc voilà, on était présents à ce moment-là quand le MNA est venu tirer au pistolet mitrailleur sur les... Et donc, M. Kadri est décédé ce jour-là. Et son fils était dans ses bras, son fils a le même âge que moi, Aziz, on a été ensuite scolarisés ensemble. Ça traduit un petit peu ce truc-là qui était très, très... Il y avait un climat qui était très, très, très dur. Tout gamin, moi, je servais d'agent de liaison aussi quelquefois, parce que Belkacem Sayad me disait d'aller dans les bistrots qui se trouvaient rue Poligny ou rue Tarentaise pour passer des messages. Bon, j'y comprenais, j'étais gamin. Mais voilà, il y avait des barrages, des gardes mobiles à l'époque, je me souviens, ils étaient casqués, des casques ronds, je me souviens, vers l'église Saint-Edmond, et qui barraient l'accès à la rue Poligny, parce qu'il y avait comme ça des contrôles très fréquents et des quadrillages même de quartier. Donc il y avait aussi le couvre-feu à cette époque-là. Et donc du coup, moi, tout gamin, je passais les barrages de flics, et puis j'allais dire que... J'allais dire que le cousin, il avait démoli son mur d'enceinte ou je ne sais pas quoi. En fait, tout ça, c'était des messages codés pour les membres du FLN. Alors, ces témoignages aussi sont corroborés, parce que quelquefois aussi, sont corroborés par ceux que j'ai recueillis à travers Rachid Benzema, qui a écrit le livre « Mémoire vive », puis qui vit en Algérie, qui a fait beaucoup de prisons, etc. C'est celui qui a participé au recrutement de Rachid Mekloufi, hein, des beaux joueurs de foot. Et puis, Serhedine, qui je crois toujours en vie. Alors, c'est, à ma connaissance, c'est les deux personnages qui sont encore en vie et qui étaient stéphanois, qui ont participé vraiment à l'émergence du FLN. Dernier point, le FLN, on dit que c'est 54, la date. Ma mère me dit, ben non, un an et demi avant, hein, au cours de, ma mère est arrivée en 51 à Saint-Étienne et mon père en 47. Un an et demi avant, il était déjà question d'une organisation et il y avait les jeunes comme mon père qui refusaient de cotiser en disant, moi je ne suis pas pour le culte de la personnalité. Et il disait, non, il y a quelque chose qui est en train de se faire, on te préviendra en temps voulu. Voilà. Et il ne l'appelait pas encore FLN. Elle m'a dit à l'époque, elle m'a cité un nom, les Mousbilines. Voilà, Mousbilines. Voilà. Les Mousbilines, qui étaient en fait bon, les martyrs, les combattants de la foi, je ne sais pas comment traduire exactement. Alors voilà, les Mousbilines sont en train de se réunir, il commence à y avoir quelque chose. Et puis, effectivement, après, à partir de 54, le FLN, à travers les attentats en Algérie, s'est fait connaître. Et puis, les luttes fratricides ont démarré jusqu'en 57-58, où les MNA a perdu la partie, quoi. Enfin, donc, c'est vrai que ça sera intéressant qu'il y ait tous ces recueils de témoignages qui sont, quand même, de mon point de vue, importants. Ça pose donc le statut du témoignage et de l'oralité, quoi. Rebondir sur la question des témoignages, alors je sais bien qu'il y en a beaucoup qui ont été faits. Après, la question qui se pose, c'est celle du cadre et du statut juridique de ces témoignages. Dans un cadre familial ou dans un cadre associatif, beaucoup de témoignages ont été faits, mais 5, 10 ou 15 ans après, ben on ne les retrouve plus, on ne les identifie plus. Et l'objectif serait, à mon sens, hein, et je prêche pour ça, c'est que ces documents-là, à terme, rejoignent les collections d'archives publiques, que ce soit aux archives municipales ou aux archives départementales, pour assurer leur conservation sur long terme et aussi leur accessibilité à d'autres chercheurs demain. Donc il y a cette question-là du cadre dans lequel ont été faits ces entretiens et du statut juridique qu'on y apporte derrière, qui me semble être fondamental. Ça rentre, des enregistrements audio, ça rentre pleinement dans ce cadre-là également, oui. Sur l'intérêt de la mémoire, je voudrais quand même rebondir là-dessus. Bon, les archives, il y a énormément de choses. Quand on regarde, il y a un nombre de noms d'acteurs qui est faramineux. Alors, ça n'empêche pas les erreurs, ça n'empêche pas que les services de renseignement passent parfois à côté de certaines informations. Souvent, on n'a pas les noms de code, on n'a pas les surnoms, ça, c'est rare qu'on tombe dessus. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, qui existent, mais il faut les mettre en perspective. Il y a beaucoup de choses qui se passent sans qu'il y ait un attentat, sans qu'il y ait une perquisition, sans qu'il y ait un mort aussi. Et ça permet aussi des fois de relativiser ce qu'on a dans les archives. Où la version policière est pas toujours, mériterait d'être légèrement nuancée, amendée avec des témoignages d'acteurs. Mais c'est vrai que c'est un travail de telle ampleur si on veut vraiment faire une histoire digne de ce nom, des choses. Je pense que les archives municipales ont vu à quel point l'iceberg était encore profond. Quand on regarde, pareil, le nombre de codes d'archives, de cartons qu'il faudrait ouvrir, dépouiller, exploiter. Ne serait-ce que pour faire une histoire vraiment de, on va dire, militaire, paramilitaire. Il y aurait tellement de choses à vérifier, à croiser pour en venir à bout. Donc c'est vrai que c'est très précieux tout ce qu'on peut récolter. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit, c'est fou. Et là aussi, les archives municipales s'arrachent les cheveux là-dessus, mais de constater tous ces petits témoignages qui ont pu être faits, tous ces petits récits, et de la difficulté à les retrouver parce qu'il faut les capter au moment où ils sont produits, quand il y a des petites publications, auto-éditions, des choses. Si on n'en prend pas possession physiquement au moment où elles sont publiées ou quand les choses sont faites, c'est très difficile, de même moins de 10 ans après, parfois, de revenir sur cette mémoire produite qui pourtant n'est pas censée être évanescente, mais qu'il faut vraiment capter au moment opportun. Et ça, c'est quelque chose dont tout le monde a conscience aujourd'hui, mais qui reste difficile, plus difficile qu'on l'aimerait à mettre en place. Oui, j'avais deux questions, mais l'une s'adressait plutôt à Léla, mais je ne sais pas si tu pourras... Bon... Mais peut-être que Pierre-Régis et Antoine peuvent répondre. Non, Léla a dit quelque chose, me semble-t-il, très intéressant quand elle a évoqué la presse, où chaque semaine, il y avait d'un côté les faits divers, donc en fait, c'était la guerre d'Algérie, et puis de l'autre côté, la question algérienne, ou pas, pardon, le problème maghrébin. Et j'aurais voulu savoir plus précisément en quoi consistait ce problème maghrébin, comment il était évoqué. Alors, tu as évoqué l'habitat, mais il y a peut-être dans la presse d'autres choses que l'habitat qui sont évoquées. Et puis j'ai une autre question ou remarque qui fait suite à ce que vous disiez. Je crois que c'est Nora Stora qui, dans un de ses ouvrages, faisait la comparaison entre les statistiques agricoles et la démographie en Algérie, et qui montrait que, au fur et à mesure que la colonisation avance, le nombre de moutons baisse. Et ce qui signale bien qu'en fait, il y a une appropriation des terres par les colons au détriment de la population algérienne. Alors que la population augmente, le nombre d'Algériens musulmans augmente, mais le nombre de moutons continue à baisser. C'est tout à fait dans ce que vous disiez. Et autre chose, alors, moi. Pardon ? Bah oui. Bah oui, c'est ça. Puis c'est aussi quelque chose qui est très rarement évoqué. Ce sont les famines qui ont été organisées à partir des années 50, 55, 56, pendant la guerre. Et il y a des dizaines de milliers de gens qui sont morts de faim. Et ça, je ne sais pas. Je voulais savoir si dans la presse, ce genre de choses avait pu être évoqué dans les journaux français ou si ça faisait partie de. Si c'était comme la torture, hein, on en a parlé, puis après on a oublié. Est-ce que ça, c'est comme la torture, on en a parlé, puis on a oublié? Alors, nous, aux archives municipales, on s'est intéressé exclusivement, puisque c'est nos collections, à la presse locale, enfin aux presses locales au pluriel, puisque toutes ne les traitaient pas de la même façon. Sur la question des faits divers et notamment des règlements de compte entre le FLN et le MNA, c'était systématiquement traité dans les faits divers, ce qui pose aussi en termes de terminologie la question de la vision qui était faite par la presse locale. Ensuite, sur les événements nationaux ou internationaux, la tribune Le Progrès en fait l'écho, mais de façon beaucoup plus discrète et beaucoup plus restreinte que Le Patriote sur la période pendant laquelle il est encore publié. Donc il y a vraiment un traitement différencié en fonction des types de journaux qu'on peut consulter. Mais c'est pas le plus flagrant. Ouais. Le problème maghrébin, c'est... Ouais, faut demander à... les lacs. Ouais. Non, je dirais que très juste sur les faits divers, sur la guerre d'Algérie, c'est traité en faits divers. Tu as des pages une où tu trouves en une de page... Tu trouves beaucoup de choses sur les appelés, parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment parlé, mais ce qui a fait basculer aussi en métropole, c'est le fait qu'on envoyait mourir des centaines de milliers d'hommes. C'est aussi comme ça que, pour ça que la guerre, que les Algériens ont gagné politiquement, pas militairement, la guerre d'Algérie. Sur la presse, beaucoup, beaucoup de choses sur les conditions de vie. Le moindre bidonville, Gourbi, etc. Il y a des photos avec, si tu veux, un discours plutôt empathique. Mais on est, j'ai parlé quand je présentais tout à l'heure la ribambelle de, enfin la multitude de services dédiés à la surveillance et au contrôle des Algériens, des Nord-Africains, comme on disait alors. Il y a le SAMAS, le service des affaires musulmanes et de l'action sociale, donc créé en 58 en pleine guerre d'Algérie. Et un des objectifs, c'est d'organiser. Il y a une mission psychologique. Il faut aider. Hein, et on crée des radios, on crée des émissions de radio spécialement dédiées aux Nord-Africains du département. Hein, des causeries, ils appelaient ça. Donc, la presse, elle en fait écho puisqu'on lui demande, la puissance publique, l'ordre public local lui demande d'accompagner ces messages où on peut donner des nouvelles du plaid, etc. Donc il y a aussi une dimension psychologique qui est éminemment à rattacher avec une stratégie politique puisqu'on est dans le cadre d'une dite politique de pacification. La question de la santé est très intéressante. Moi, c'est dans la presse que j'ai pu lire dans les années 50 que 15... La question de la tuberculose. Les Nord-Africains sont c'est pas le terme ravagé, mais il y a, je me rappelle d'un article assez long d'un monsieur Roger Perrin qui, dans les années 50, faisait des investigations assez précises sur les conditions de vie des Algériens, des Nord-Africains. Et donc, il y a tout un article, plusieurs articles, vraiment, où état des lieux, des conditions de vie, quoi. Et il est question de la tuberculose. Et il dit combien les Nord-Africains sont menacés par la tuberculose. Et c'est là qu'on peut lire que 15%, que dans une, je ne sais plus, mais c'est dans les années 50, à l'hôpital de Bellevue, 15% des tuberculeux sont des Algériens, par exemple. Voilà, donc tu as une lecture globale des conditions de vie qui te renvoie parfois aussi aux questions de santé. L'arrivée des femmes, elle donne lieu également à quelques analyses, quelques présentations. Et s'agissant de l'accueil des femmes, se mettent en place aussi des dispositifs, des services, bien sûr, et des dispositifs très spécifiquement dédiés aux femmes algériennes qui arrivent et qui rejoignent leur mari. Et si vous interviewez ces femmes qui étaient en Saint-Étienne dans les années 50, elles vous diront toutes qu'elles ont eu le passage d'une assistante sociale qui leur explique qu'il faut raccommoder, qu'il faut faire des économies, qu'il faut manger des fruits et des légumes, ce à quoi elles répondent, mais dans le couscous, il y a autant de légumes qu'il y en a plus que 5. Enfin bon, il y a tout un mode de faire qui est un dispositif avec un détail sur les modalités de mise en œuvre d'une action et même de comment on s'adresse à ses interlocutrices. Voilà. Donc la presse, elle fait écho aussi de ce qui est souhaité dans le cadre d'une politique dite de pacification, quand bien même il y a des journalistes, des photographes qui vont investiguer avec sincérité et authenticité. J'ai toujours en mémoire les articles de Roger Perrin et qui découvre un Saint-Étienne d'abord marqué par des taudis, qu'il soit habité par des Français ou des étrangers ou des Nord-Africains, peu importe. On découvre la ville des prolétaires. Je ne sais pas si ça répond. Il va falloir qu'on conclue. À moins qu'il y ait une dernière question urgente, mais on va continuer à discuter comme ça. Hein.